Blanche-Neige. N'est-ce pas un prénom étrange? Mais savez-vous pourquoi il fut donné à une petite princesse, il y a longtemps, longtemps? Dans un grand château, bâti au sommet d'une colline, au royaume du Pays Blanc, vivait jadis une reine dont la beauté était célèbre à 100 lieues à la ronde. Cette reine était très triste, car elle n'avait point d'enfant. Un jour d'hiver, alors qu'elle tirait l'aiguille devant les hautes fenêtres de sa chambre, elle se piqua le doigt et une goutte de sang vermeil y perla. La reine, incommodée par la douleur légère que lui causa cette piqûre, voulut prendre l'air. Elle ouvrit la fenêtre et avança sur son balcon d'ébène. Ses pieds s'enfoncèrent dans le tapis de neige immaculé qui le recouvrait, et la goutte de sang, tombant de son doigt, fit une petite tache rouge sur la neige. Oh ciel ! Si je pouvais avoir une enfant dont la peau fût aussi douce et blanche que cette neige, les lèvres aussi rouges que cette goutte de sang, et les cheveux aussi noirs que ce bois d'ébène, comme je serais heureuse. Cette fois, le souhait de la reine fut exaucé, et quelque temps après, elle donna le jour à une petite fille qu'elle prénomma Blanche-Neige. Hélas, sitôt après la naissance de la petite Blanche-Neige, la reine mourut. Le roi, son époux, en éprouva un grand chagrin, mais ne voulant pas laisser sa petite fille seule dans le château, il se remaria quelques années plus tard. La nouvelle reine était très belle et fière de sa beauté, mais elle n'aimait pas Blanche-Neige. La petite princesse n'osait point se plaindre au roi, son père, qui voyageait souvent à travers son royaume et qu'elle ne voyait que rarement. Elle était cependant très malheureuse. Elle ne sortait jamais de l'enceinte du château et n'était vêtue que d'étoffes grossières et chaussée de lourds sabots. La reine ordonnait qu'on lui confiât des tâches rudes et difficiles. Blanche-Neige, pourtant, devint une gracieuse jeune fille, belle, aimable, et qui se consolait de ses chagrins en chantant de jolies chansons pleines d'espérance. Puis-je vous dire un secret? Jurez d'être discrète. Un pouvoir magique est dans ce puits. Faire un vœu désire-t-on, ou puis il faut le dire. Si l'écho sans tarder répond, on a ce qu'on désire. Un matin de printemps, Blanche-Neige tirait du puits un lourd seau d'eau. Quand le seau fut hissé, elle s'assit un instant sur la margelle du puits. Aussitôt, les colombes du jardin vinrent se poser sur son épaule. Blanche-Neige caressa leur doux plumage de ses doigts effilés. Les colombes roucoulèrent et Blanche-Neige, une fois encore, fredonna pour elle son joli chant d'espoir. Soudain, Blanche-Neige perçut un bruit. À la lisière de la forêt voisine, elle vit un jeune et gracieux cavalier qui tenait son cheval par la bride et venait vers elle. « Petite princesse, vous êtes plus belle encore qu'on ne me l'avait dit. Ne cessez point de chanter, permettez-moi de vous entendre un moment. De grâce, ne fuyez pas, je veux seulement vous saluer et vous dire mon admiration. » Toi mon rêve, écoute ma chanson. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne vous connais pas. Et je n'ai pas le droit de parler à quelqu'un. La reine me l'interdit. Adieu. Sans laisser au prince le temps de répondre, Blanche-Neige s'enfuit vers le château et disparut derrière la lourde porte. Pendant ce temps, dans la plus belle chambre du château, la reine orgueilleuse et cruelle s'apprêtait à consulter son grand miroir magique qui, chaque jour, la rassurait sur sa beauté et lui annonçait qu'elle était sans rivale. Vêtue d'une très belle robe tissée de soie et d'or, le front ceint d'un diadème de vermeil, elle s'approcha du miroir et l'interrogea comme à l'accoutumée. « Génie de mon miroir, réponds-moi sans détour. Ne suis-je pas toujours parée de mes atours ? La femme la plus belle, ainsi que tous les jours. » Ce jour-là, le miroir ne répondit pas immédiatement. La reine attendit anxieusement. Le génie ne mentait jamais. Un instant, la belle clarté du miroir se troubla. Puis la voix du génie se fit entendre. « Comme toujours, Majesté, je vous dirai la vérité. Si votre beauté est extrême, il est dans ce château même une jeune fille au teint clair dont la beauté n'a point de père. » Génie malfaisant, tu mens. Et qui, dis-moi qui me dépasse en beauté? Blanche-Neige, Majesté. La reine éprouva un grand dépit de ne plus se savoir la plus belle. Sa cruauté et son orgueil lui firent concevoir un méchant projet. Elle appela en grand secret un chasseur qui lui était tout dévoué et qui l'accompagnait parfois au cours de ses promenades en forêt. « M'as-tu bien comprise? Je t'ordonne de conduire Blanche-Neige au plus profond des bois. Tu feras en sorte qu'elle ne puisse retrouver son chemin. Tu l'abandonneras sans nourriture afin qu'elle y périsse et que les animaux sauvages la dévorent. Je ne veux plus la revoir. Alors, je serai de nouveau sans rival. » « Mais, Majesté, n'est-ce pas trop cruel que d'abandonner ainsi cet enfant? Et n'est-elle pas aussi la fille du roi? » « Je te l'ordonne! Et tu répondras sur ta vie de l'exécution de cet ordre. » « J'agirai selon vos ordres, Majesté. » Le lendemain, sitôt que le soleil fut haut dans le ciel, le chasseur se présenta devant Blanche-Neige. « Princesse, j'ai ordre de la reine de vous prier d'abandonner votre ouvrage et de m'accompagner pour faire une longue promenade en forêt. » « Oh, que cela est bien! Et comme je suis heureuse d'aller un peu courir dans les bois. Je suis si lasse de vivre enfermée dans ce château. Et puis, qui sait, je rencontrerai peut-être mon prince charmant. Vous savez, je crois qu'il est déjà venu me voir. » Si cruel que fut le chasseur, il eut le cœur brisé par la confiance que lui témoignait la petite princesse. Il n'en obéit pas moins aux ordres de la reine et conduisit Blanche-Neige au plus profond des bois. Comme cette forêt est épaisse! Les arbres sont si serrés qu'on ne voit presque plus le jour. Où allons-nous? Adieu, princesse. Pardonnez-moi, mais il faut que je vous abandonne ici. Ici? Mais pourquoi? Et qui vous a donné cet ordre? La reine. La reine? Mais que lui ai-je fait? Veut-elle donc que je périsse? Mon Dieu, que je suis malheureuse! Que le ciel vous garde, princesse. Adieu. Adieu. Blanche-Neige marcha longtemps. Blanche déchirait sa robe, griffait son visage et ses bras. Et elle entendait déjà les bruits inquiétants qui envahissent les bois au crépuscule. Quand la nuit fut venue, Blanche-Neige comprit qu'elle ne retrouverait jamais son chemin. Elle était seule, sans défense, au milieu de la forêt. Elle avait faim et soif. Elle était désespérée. Oh, comme il fait noir! J'ai froid! Mais qui viendra à mon secours? Oh, j'ai peur, j'ai peur. Oh, à l'aide! À l'aide! Seules quelques chouettes répondirent à la pauvre petite princesse. Épuisée, elle finit par s'endormir sur la mousse froide qui tapissait le pied d'un grand chêne. Lorsque le jour parut, Blanche-Neige s'éveilla et fut toute joyeuse de constater qu'elle était entourée de gracieux petits animaux qui la regardaient avec de grands yeux étonnés. Il y avait une biche et son faon, des écureuils joufflus qui sautillaient alentour, des lapins gris, blancs, roux, noirs, pelotonnés en une grosse boule de poils multicolores, 100 petits oiseaux qui piaillaient, qui voltaient sur la mousse, une grosse marmotte et une tortue, un merle, une pie et 2 tourterelles qui vinrent se poser sur sa main. Oh, mes amis, comme c'est gentil de venir me tenir compagnie. Bonjour. Bonjour, Rossignol. Non, non, je n'ai plus peur maintenant que je ne suis plus seule. Tenez, jouons un peu ensemble. Allons, allons, petit lapin, dégourdissez-vous. Voulez-vous que nous chantions ? Oui, une chanson gaie, une chanson souriante comme le jour qui paraît. Blanche-Neige, escortée par tous ses petits amis, reprit son chemin à travers la forêt. Mais cette fois, guidée par eux, elle ne tarda pas à déboucher dans une clairière que le soleil éclaboussait de ses rayons d'or. Au milieu de la clairière trônait une toute petite maison, dont le toit de chaume, les volets bleus, les murs tout blancs, semblait sourire à Blanche-Neige. Oh, la merveilleuse petite maison. Mais qui donc peut habiter ici? Regardez, je peux à peine y entrer. Y a-t-il quelqu'un? Oh, mes amis, voyez, la table est mise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 petites chaises autour de la table. Et quel désordre! Grimpons cet escalier. Mais oui, 7 petits lits. Et que de poussière! Mais qui sont donc les petits garçons qui demeurent ici? Allons, mes amis, à l'ouvrage! Rangeons la demeure de ces paresseux. Et puis ensuite, nous déjeunerons. Allons, allons, aidez-moi! Thank you. salon laitier. Dans la métropole, avec quelle ardeur tous les petits amis de Blanche-Neige se mirent à la tâche. Même la brave tortue, qui prêta le ventre de sa carapace pour servir de planche à laver. Bientôt, la maison fut nette et brillante. Elle avait changé d'aspect. Blanche-Neige mangea quelques fruits et un peu de fromage et de galettes de seigle. Puis, épuisée par tant d'ouvrages, elle se laissa tomber sur le plus grand des petits lits et s'endormit profondément. Heureux de la savoir à l'abri, tous les animaux se retirèrent discrètement sur la pointe des pattes. Pourtant, Blanche-Neige ne se doutait pas qu'elle s'était endormie dans la maison des sept nains de la forêt. Oh, ils étaient bien gentils et bien amusants d'aspect, ces sept braves nains. Ils vivaient depuis longtemps dans cette forêt qui était un peu leur domaine. Tous les jours, ils allaient à la queue-leu-leu extraire de beaux diamants d'une mine située au pied de la montagne. Et le soir, ils s'en revenaient toujours à la queue-leu-leu en chantant leur chanson favorite. Tenez, les voici. Ils se dandinent gentiment, tout rondelés, le pic sur l'épaule, la lampe à la main. Ils arrivent. En tête du cortège, comme toujours, le plus savant, c'est professeur, ou plutôt prof. Derrière lui, grincheux, toujours en colère. Puis joyeux, toujours gai. Traînant la jambe et bâillant aux corneilles, voici dormeur. Hachoum est le cinquième. Il éternue entre tous les mots. Écoutez-le. Hachoum ! L'avant-dernier, c'est timide. Il ne parle presque jamais et rougit à tout propos. Enfin, qui ferme le cortège ? Simplet, le plus jeune des sept nains. Halte, les amis. Regardez, la maison est éclairée, notre porte est ouverte. Saperlipopette, quel est le gibier de potence qui a osé s'introduire chez nous ? Au nom d'une citrouille, si je le tenais... Et timide, t'as entendu? Il y a du gibier pour dîner, du gibier à la citrouille. Citrouille ou pas, moi je voudrais bien dormir. Chut! Avançons avec prudence et sans bruit. Chut! Il n'y a personne. Trois chandelles qui brûlent et on ne reconnaît plus rien. Regardez comme tout est propre. Qui nous a volé notre belle poussière? Oh, les gredins! Moi, je monte me coucher. Oh! Oh! Les amis! Les amis, vite, vite, venez voir! Chut! Ne faites pas de bruit! Les sept nains grimpèrent l'escalier aussi vite qu'ils purent. Ils s'arrêtèrent médusés au seuil de la chambre. Dans le plus grand des petits lits, Blanche-Neige dormait d'un calme et doux sommeil. Ils se regardèrent, attendris et heureux. Comme elle est jolie! Oh, ses bras sont tout griffonnés et sa robe est en flambeaux. Il faut dire... griffée et en lambeaux. Laissons-la reposer un peu. Redescendons sans bruit. Toute cette agitation finit par réveiller la princesse. Un instant, elle fut un peu effrayée. Puis, regardant tour à tour les sept petits bonshommes, elle rit de leur mine déconfite et de leur air coupable. « Oh, mes amis de grâce, ne me chassez pas. Je suis si malheureuse. Abritez-moi pour la nuit. »« Non ! Pas de femme ici, et puis on ne vous connaît pas. Oh. »« Moi, je veux bien que vous restiez. Oh. »« Oui, restez. Non. Après avoir nettoyé la maison, elle va aussi nous demander de nous plonger dans le bassin. »« Tais-toi, grincheux. Et si même cela était, il faut dire que ça ne serait pas superflu. Nous n'avons pas pris de bain depuis Noël dernier. Nous vous gardons ici, mon enfant, soyez rassurés. » Merci, mes amis. Oh, merci. Permettez-moi alors de vous raconter ma triste histoire. Blanche-Neige et les sept nains firent ainsi connaissance. Pauvre petite princesse, je vous le répète, demeurez tant que vous voudrez avec nous. Nous vous protégerons et vous serez heureuse. Savez-vous faire des tapisseries à la crème? Certes, je sais broder aussi, mais... Non, il veut dire des pâtes... des pâtisseries à la crème, petite princesse. Oh, mais oui, mes amis. Je sais aussi coudre, laver, brosser, repasser. Vous ne connaissez pas une jolie chanson d'amour? Les six nains prirent place autour de Blanche-Neige. Grincheux, lui, restait un peu à l'écart. Blanche-Neige chanta alors pour eux sa plus jolie chanson. Quelques jours passèrent. Blanche-Neige fut adoptée par les nains. Chaque soir, ils se hâtaient vers leur logis, heureux de retrouver leur maison propre et coquette, et de déguster les mets délicieux que la petite princesse leur préparait. Grincheux lui-même avait cessé ses récriminations, et il était devenu l'ami le plus fidèle de Blanche-Neige. Jamais le logis des nains n'avait été aussi gai et pimpant. Au château, cependant, la méchante reine qui croyait que Blanche-Neige avait péri dans la forêt décida ce jour-là de consulter son miroir magique. Génie de mon miroir, miroir étincelant, ai-je raison de croire encore et pour longtemps que je suis la plus belle en ce royaume immense? Vous êtes, Majesté, la reine du royaume. Mais, loin dans la forêt, vit sous un toit de chaume Blanche-Neige au teint clair, aux doux cheveux d'ébène, qui dépasse en beauté la plus belle des reines. Cette fois, c'en est trop, et je veux me venger. Me diras-tu, génie, me diras-tu enfin où vit cette princesse? Dans la forêt profonde, où vivent les sept nains. J'irai dans la forêt. Oui, j'irai moi-même. Je surprendrai Blanche-Neige. Elle ne me reconnaîtra pas. Je sais un filtre magique qui me permettra de changer mon aspect. Voyons. Oui, je prendrai la forme d'une pauvre vieille. Allons, ne perdons pas de temps. Vite, courons préparer ce breuvage. Ainsi fut fait. La reine dévala les marches de pierre qui conduisaient aux caves du château, où elle cachait ses flacons de poudre magique et ses alambics. Elle prépara avec soin un terrible breuvage qui avait les couleurs changeantes et l'ardeur du feu, et le but d'un trait. En un instant, elle fut transformée en une affreuse sorcière, maigre, voûtée et édentée. Sa belle robe devint un haillon rapiécé, et sa cape de soie, une vilaine pèlerine de bure. Qui me reconnaîtra jamais sous cet aspect? Surtout pas Blanche-Neige. Pour elle, je mets dans ce panier de fruits cette belle pomme rouge et craquante que je lui offrirai. Une pomme empoisonnée. Dès qu'elle y mordra, elle s'endormira pour l'éternité et je serai de nouveau la plus belle du royaume. La vieille sorcière prit le chemin de la forêt. Tous les animaux, amis de Blanche-Neige, effrayés par son aspect, s'écartaient sur son passage. Ils coururent ventre à terre, volèrent à tire-d'aile vers la maison des sept nains pour essayer de prévenir la petite princesse. Ils la trouvèrent sur le seuil du logis, occupée à travailler comme à l'accoutumée lorsque les sept nains étaient absents. Hélas, Blanche-Neige ne comprit pas leur langage. « Ciel, que vous êtes agités aujourd'hui, mes amis. Oh, mais oui, je vous aime bien. Allons, soyez sages. Je dois entrer maintenant pour finir mon ouvrage. » Bientôt, la méchante sorcière atteignit la demeure des sept nains. Par la vitre de la fenêtre, elle aperçut Blanche-Neige. Et sa jalousie fut encore attisée, tant la beauté de la petite princesse était éclatante. Elle frappa quelques coups discrets à la porte et dit en adoucissant sa voix. « Ayez pitié d'une pauvre vieille femme, mon enfant. » Et permettez-moi de prendre quelque repos après cette longue marche. Mes vieilles jambes ne me portent plus. » Blanche-Neige fut d'abord effrayée par la vieille femme. Mais, obéissant à son grand cœur, elle la pria néanmoins d'entrer. « Venez, bonne dame, et asseyez-vous ici, je vous prie. Reposez-vous autant qu'il vous plaira. Avez-vous faim ? Ou soif ? Non, point, mon enfant, et je vous remercie de votre hospitalité. Je reprendrai bientôt mon chemin. Je vais au village vendre les fruits de mon jardin. En voulez-vous, hein ? Oh, merci, bonne dame. Je ne veux pas vous en priver. Si, si, acceptez, ça me fait tant plaisir. Tenez, prenez cette belle pomme. Voyez comme elle est rouge et ferme. Prenez-la, elle est à vous. Puisque vous me l'offrez de grand cœur, je l'accepte. Je la donnerai à mon ami Simplet. Et il est si gourmand. Non, mon enfant. Elle est pour vous. J'aimerais tant vous voir la croquer à belles dents. Allons, goûtez-y. C'est un fruit délicieux. Goûtez, je vous en prie. C'est ma récompense. À peine Blanche-Neige eut-elle goûté à la pomme empoisonnée qu'elle fut prise d'un affreux malaise. Elle poussa un cri et tomba inanimée sur le sol. Oh. Oh. Te voilà endormie pour l'éternité! « Méchante fille, et rien ne saura t'éveiller. Seul le doux baiser du prince charmant pourrait rompre le maléfice et te rendre la vie. Mais il ignore que tu es ici, et jamais, jamais il ne viendra. Je suis de nouveau la plus belle du royaume. Tous les petits animaux se demandaient comment ils pourraient porter secours à la princesse, leur amie. Ils s'enfuirent tous ensemble vers la mine de diamants où travaillaient les nains et firent tant et tant de bruit qu'ils finirent par se faire entendre. Mes amis, j'ai l'impression qu'il est arrivé quelque chose à notre gracieuse princesse. Courons au logis sans retard. Tirlégédu par le roi des nains. Si quelqu'un osait toucher un cheveu de la princesse, je le transforme en pâte à navets. Ils coururent les sept nains, de toute la force de leurs courtes jambes. Bientôt, ils aperçurent, fuyant par les sentiers de la montagne, l'affreuse sorcière qui s'en retournait au château. Conduits par les animaux, ils se lancèrent à sa poursuite. Un violent orage venait d'éclater. Le ciel devenait noir. La pluie tombait avec force. Et de longs éclairs d'argent déchiraient les nuages. Les nains n'en poursuivirent pas moins leur course. La sorcière longeait un précipice quand ils atteignirent. Elle voulut leur échapper. Glissa sur les roches mouillées et disparut au fond du gouffre en poussant un grand cri. Regagnons vite notre maison, mes amis, pourvu que notre princesse soit saine et sauve. Tiens, Etsou, la pluie s'est arrêtée. Tant mieux. Etsou, je n'ai pas eu le temps, Etsou, de m'enrhumer. Etsou. Hélas, quel triste spectacle attendait nos sept petits amis. Ils trouvèrent Blanche-Neige inanimée sur le sol, et près d'elle, la pomme dont elle avait croqué un morceau. Malgré tous leurs soins, ils ne parvinrent pas à éveiller la petite princesse. Elle a troqué la pomme emprisonnée par la méchante soupière. Hélas, elle nous fera plus de tarte à la flemme. Elle ne nous sentra plus de jolies chansons d'amour. Dans la clairière où le soleil brillait à nouveau, les sept nains dressèrent un lit de cristal et de bois de rose qu'ils ornèrent des plus beaux diamants de leur mine. Ils y placèrent la petite princesse et l'entourèrent de fleurs multicolores. Tout le jour et toute la nuit, ils restèrent silencieux, poussant de temps en temps un profond soupir. Dans la forêt, tous les animaux étaient tristes. Le jour pointait, quand les sept nains entendirent le pas d'un cheval. À la lisière du bois, ils virent un cavalier éblouissant de jeunesse et de grâce, qui approchait. Regardez, c'est le prince charmant que Blanche-Neige attendait. Ciel, qui êtes-vous? Et que fait ici ma gracieuse princesse, si profondément endormie? Nous sommes les sept princes de la forêt, gentil nain, et la méchante soupière, la reine du gâteau, et tais-toi, prof! Tu dis des sottises! Nous sommes les sept nains de la forêt, gentil prince. Et nous abritions Blanche-Neige. Hélas, pendant notre absence, la méchante reine du château lui a fait croquer une pomme ensorcelée qui a endormi notre petite princesse pour l'éternité. Réjouissez-vous, mes amis. Je sais le moyen d'éveiller Blanche-Neige. Le prince mit un genou en terre et posa délicatement ses lèvres sur le beau visage de la princesse endormie. Blanche-Neige, aussitôt, ouvrit les yeux et sourit. Oh, mon prince, je vous voyais dans tous mes rêves et je savais bien que vous viendriez un jour, car je vous attendais sans cesse. Avec mille précautions, le prince prit Blanche-Neige dans ses bras et la déposa sur la selle de son cheval. Accompagné des sept nains, il s'en fut vers l'orée de la forêt. Et après que Blanche-Neige eut dit adieu à tous ses petits amis, il lança son cheval au galop vers son beau château bleu qui brillait au loin dans le soleil du matin.